Micro ouvert. Une collaboration entre des habitants de la ZAD, le réalisateur Léo Lebovici et l'actrice Lydie Brocere. Je n'étais jamais venue sur la ZAD. J'étais jamais venue ici. Jamais. J'ai apporté mon bâton. C'était juste un parmi tant d'autres enfoncés dans la terre ce jour-là. Et pendant que nous les plantions profondément dans le talus, on s'est tous fait une promesse. Revenir si le gouvernement tentait d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était incroyable. 40 000 ensemble sur la ZAD. C'était le 8 octobre 2016. Le gouvernement, il est jamais venu. Ils ont toujours pas réussi à détruire tout ça pour construire leur foutu aéroport. 50 ans que les gens se battent contre une énième machine mortifère qui brûle le climat. Et ce que j'ai découvert là-bas, plus que la détermination des gens, encore plus que la beauté du bocage, c'était que cet endroit était une sorte d'étrange miracle. Imparfait forcément, mais d'une puissance qui brise les sombres tempêtes qui montent aujourd'hui. Je regardais le JT, incendie de forêt, migrants noyés, fonte de la banquise, effondrement de la biodiversité, Trump qui ouvre la porte au pire, et de plus en plus de murs qui montent partout. Et coincé entre les spectacles de la crise, il y avait un reportage sur la ZAD. Aujourd'hui, nous entrons dans le sombre cœur caché de la ZAD, une zone de non-droit. La zone de non-droit. Ouais, c'est une zone de non-droit, ouais. Si par droit vous voulez dire le droit de détruire le vivant, de bétonner les terres nourricières, de mettre le profit avant la vie, alors ouais. Mais il y a d'autres droits ici. Celui d'être différent. De se laisser envoûter par un lieu. Celui de construire ta propre maison, comme tu veux. Celui de décider nos formes de vie ensemble. Le lendemain de la manif des bâtons, quelques personnes de la ZAD nous ont emmenés en balade. On a vu des salamandres sortir de la boue et d'autres sculptés sur les poutres du nouveau hangar. On a entendu une nouvelle chanson émaner du studio de rap. On a bu de la bière brune à la brasserie. On a mis du compost dans les potagers collectifs. Et pendant que le moulin à farine tournait, on a goûté du pain chaud qui venait de sortir du four. Un paysan, qui était ici depuis 7 générations, nous a montré son troupeau de vaches. Elles sont comme lui maintenant, ces vaches. Des squatteurs. La radio pirate jouait. On a entendu des gens se quereller sur l'avenir en triant les patates ensemble. On a même grimpé en haut du phare défensif, construit là où ils voulaient mettre leur tour de contrôle. On s'est perdu dans la forêt de Roanne. Ce week-end-là, j'ai compris le sens du commun. Ça m'a bien secouée. Quand je suis retournée travailler en ville, je me sentais, je sais pas, bizarre. Vraiment bizarre. Tu sais, si jamais ils viennent construire leur aéroport, j'y serai. Et même s'ils abandonnent, je reviendrai. Écraser la ZAD, cette expérience, c'est comme si vous voulez rendre l'espoir illégal. C'est délicat la parole, hein. C'est délicat de choisir les mots, c'est délicat de... Oui, c'est pas toujours facile, quoi. Et j'avais envie de donner quelques mots sur le micro ouvert qui va suivre, hein. Donc c'est Fessal chez Fou. Souvent, on le présente comme l'homme au chapeau, c'est-à-dire les attentats à Zaventem. Donc il y avait un gars qui a été filmé... avec un chapeau, et du coup, On a attrapé Faisal Chefou, c'est l'homme au chapeau, quoi. J'avais envie juste de dire ça, c'est que Faisal, le micro ouvert n'a pas été fait comme ça, en claquant des doigts. On s'est vu dans un endroit, c'est comme ça que ça se passe d'habitude, avec les gens. Hop, on papote un peu, puis le micro s'allume et c'est parti. Avec Faisal, ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu prendre du temps, il y avait comme un peu un stress comme ça. C'est pas quelque chose de facile non plus de parler de tout ça, quoi. J'imagine que Faisal revit tout ça aussi. Le fait d'en parler, ça crée plein d'émotions. Et donc, Faisal a eu besoin de fumer une cigarette à l'extérieur. On a papoté, puis on a recherché un endroit... pour refaire ce micro ouvert, et puis voilà, ça s'est fait. Et il n'y a rien à faire, il y a une tension qui est là. Voilà, ça ne doit pas être facile. Et cette rencontre, elle est vraiment avec ce monsieur Faisal Chefou, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce monsieur, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... réparer, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à retrouver une vie entre guillemets normale après avoir vécu des choses complètement folles. C'est parti. Alors moi j'aime souvent aussi, voilà, on est dans un café, on est du côté, t'es d'accord que je le dise quand même, on est du côté de... Du centre-ville, tout simplement. Oui, c'est vrai. De Bruxelles. On est déjà un peu plus du côté de... Stalingrad, Le Monnier. Et bon, ben, est-ce que je peux donner ton nom, ton prénom, à l'aise avec tout ça? Donc, Faisal Chefou. Faisal Chefou. Chefou, tu vois, c'est un nom vraiment. Faisal. Faisal, c'est arabe. Mais ouais. J'ai jamais entendu. Ah ouais, le roi Faisal d'Arabie. Non? Ah ben, c'est un nom arabe qui est utilisé dans le Moyen-Orient. Très bien. Ben, enchanté alors, hein, et on avait envie, on s'est déjà rencontré un peu à l'avance. Hein, et on va démarrer par quoi? Parce que toi, voilà, c'est comme ça qu'on te présente, et en même temps, j'avais envie d'aller plus dans le fond, c'est-à-dire qu'on te présente souvent l'homme au chapeau. Alors, on va pas rentrer dans les détails de toute cette histoire rocambolesque. Hein, je pense que si les gens veulent se renseigner, ils peuvent trouver les informations. Mais justement, c'était l'idée de parler des médias et du fond, du problème aussi, pas simplement un gars qui fait sensation. Alors on t'appelle pour raconter ton histoire, ça fait vendre le journal. Hein, on se dit, oh, cette Belgique quand même, elle est quand même incroyable. Mais au fond, et c'était ça qu'on se disait aussi hors micro, c'est qu'on avait envie d'aborder le fond plus. Alors je te laisse un peu démarrer... Ah, il y a un bruit de dingue. On s'entend, mais on a l'impression d'être oula, dans une usine. Il a branché le mixeur. Voilà, c'est terminé. Donc, ouais, en fait, dans mon histoire, dans mon affaire, il y a eu le traitement médiatique. En fait, dans mon histoire, j'ai été condamné, j'ai été accusé par la justice, mais mon procès a été fait par les médias, en fait. Donc et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aussi actuellement avec d'autres affaires, hein. Les médias deviennent carrément des tribunaux, en fait les plateaux TV deviennent des tribunaux, et c'est des personnes qui n'ont pas accès au dossier et qui vont créer ils vont essayer en tout cas de diaboliser. Donc c'est, en fait quand quand il y a eu cette histoire quand on m'a arrêté, tout simplement, c'était 2 jours après les attentats, le 24 mars, on m'a arrêté, je suis resté 2 jours au commissariat, donc 24 heures, suivi de 24 heures, je suis passé devant un juge d'instruction qui m'a inculpé des 3 chefs d'inculpation d'assassinat terroriste, de participation à un groupe terroriste et de tentative de meurtre par un groupe terroriste. Donc c'est des accusations super graves. Quoi, en 2 jours, parce que tu as été incarcéré 2 jours, tout ça te tombait sur le dos en 2 jours, quoi. J'ai passé 24 heures au commissariat. je suis passé devant le juge d'instruction et j'ai fait également encore 24 heures de plus, le temps que les enquêteurs travaillent sur sur ce qu'avait demandé le juge. Parce qu'en fait, quand j'ai été arrêté, les enquêteurs se sont focalisés sur une piste. Ils sont partis sur une piste qui était celle du témoin. Qui disait qu'il m'avait reconnu, qui croyait que c'était moi, etc. Donc ils se sont focalisés sur cette piste et pas sur d'autres, comme par exemple mon téléphone. Est-ce qu'il prouvait que j'étais là ou pas ? Malgré que je le disais à la police n'avait pas fait le travail. Notamment les empreintes sur le chariot qui se trouvait à l'aéroport, ils n'avaient pas pris les empreintes, etc. Et donc, quand je suis passé devant le juge d'instruction, il se rend compte de tout ça et donc il décide... Ben, d'aller sur le terrain lui-même et il demande ses travaux d'investigation supplémentaires à la police. Le temps qu'il fasse ça, ben, il me transfère en prison en quelque sorte. Donc on me transfère au commissariat. Mais on a le droit de faire ça parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, il paraît, puisqu'il y a une enquête qui doit se faire. En fait, il y a 2 fois 24 heures de privation de liberté pour atteindre 48 heures au commissariat de police. C'était le maximum. Ils veulent, d'ailleurs, il y a des projets de loi pour pousser ça à 72 heures, si pas plus, ce qui est pour moi totalement inutile. Parce qu'en fait, plus je restais au commissariat, plus je me sentais, plus on m'accusait, plus on créait en fait, ce personnage de l'homme au chapeau. Et c'est quand je suis passé devant le juge d'instruction que j'ai enfin rencontré un vrai enquêteur qui, lui, n'était pas pris par l'émotion, par l'émotivité et tout ça. Et donc, il était vraiment dans le travail d'investigation. Et c'est, je veux dire, heureusement qu'il y a ces 24 heures. Sinon, la police peut faire tout et n'importe quoi, en fait. Hein. Et donc, c'est la police qui faisait fausse route dans mon affaire. Et c'est le juge d'instruction qui va s'en rendre compte, pas la police. Et donc, du coup... Par rapport à la présomption d'innocence, je voulais répondre à ça. À partir du moment où on est inculpé, on reste de toute façon présumé innocent tant que votre culpabilité n'a pas été prouvée. Ça, je l'ai très bien compris. Boum, quand vous êtes accusé de terrorisme, vous n'avez plus rien comme droit. Ni présomption d'innocence, ni rien. C'est clair, c'est tu n'es rien. Tu n'existes même pas. Si on te laisse... Mais c'est légal, ça ? Ah non, c'est totalement illégal, mais on le sait très bien. C'est comme avec l'affaire de Guantanamo. C'est qu'une fois que vous êtes accusé de terrorisme, en fait, vous êtes un chewing-gum, qu'on peut faire ce qu'on veut de vous. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de Guantanamo ? Ah ben, le traitement. Le traitement, on voit bien que, par exemple, on voit bien que Guantanamo, parce que c'est un pays, c'est les États-Unis quand même, regardez ce qui se passe. Ils torturent et ils disent que la torture marche. Donc, je pense que la Belgique suit un petit peu cet exemple-là. Et d'ailleurs, Koen Gens, le ministre de la Justice belge, dit qu'en matière de terrorisme, la Belgique, de lutte contre le terrorisme, la Belgique n'est pas vraiment, ne fait pas pire que les États-Unis. En gros, on s'en sort pas si mal ici en Belgique. Donc c'est la même stratégie états-unienne en fait. Hein, et c'est une stratégie qui diabolise, c'est une stratégie qui... Qui diabolise qui exactement? Parce que c'est important de le dire quand même. Hein. Qui diabolise une partie de la communauté musulmane, et voire même toute la communauté musulmane. Moi j'avais des remarques. Moi je dirais pas ça comme ça, est-ce que t'es d'accord? Je dirais pas la communauté musulmane, parce que musulmane, la musulmanie, c'est pour rire que je dis ça, c'est une religion, ça se voit pas sur ta gueule si t'es... Voilà, c'est plutôt les Arabes qui sont ciblés très clairement. Oui, oui, mais je veux dire, l'islam est universel. Ce n'est pas uniquement que les Arabes. Hein. Je veux dire que la majorité des musulmans ne sont pas Arabes. Hein. Ils sont indonésiens ou asiatiques, par exemple. Si on vous accuse de terrorisme, ça ne peut être que du terrorisme islamique, en gros, ou islamiste, comme ils disent, etc. Ça ne peut pas être autre chose, alors qu'en réalité, il y a du terrorisme religieux, mais dans tous les sens du terme. Il y a en fait, le terrorisme n'a pas de couleur, c'est du terrorisme. Mais oui, voilà. Et puis moi, je lisais des journaux qui dataient des années 80, donc tu vois, c'est pas le siècle dernier. Il y avait du terrorisme, c'est un truc régulier, quoi. Hein. Et la résistance, c'est toujours ça. T'es résistant ou t'es terroriste, tu vois. Bon, là-dessus, on est d'accord et voilà. Mais essayons d'aborder vraiment le problème de fond. Parce que ça te concerne, tu l'as vécu toi très clairement. Hein. Moi qui ai les yeux bleus, qui ne suis pas arabe, qui ne suis pas musulmane, je veux dire ça comme ça, alors je peux pas, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre, et, mais je ne le vis pas dans mes tripes. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, un flic ou des flics qui sont là, je me dis que moi je vais passer, il n'y a pas de problème, j'ai pas le... mais toi tu passeras pas d'office, quoi. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de comme ça, et c'est vrai, c'est pas du, comment on dit, de la paranoïa, quoi. Mais comment prouver que c'est pas de la paranoïa? Comment tu peux, toi, prouver que c'est pas de la paranoïa? Tu vas me dire, je m'en fous de prouver, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais en fait, dans mon histoire, c'est complètement de la parano. Moi, mon histoire, c'est de la parano. Parce que, à la base, je n'ai rien à voir avec cette histoire de Zaventem, d'attentat, etc. Moi, je suis tranquille chez moi à la maison. Je ne suis pas concerné. Et en fait, pour la police, eh bien, tout part d'une bête base. C'est une photo d'un mec, de moi. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il y a plein de gens. Il y a plein de journalistes sur le terrain, mais qu'est-ce que vous, vous faites là? Et pourquoi on me pose la question? Parce que je suis un des seuls journalistes arabes qui est sur le terrain. Et donc, la police me dit clairement, oui, mais vous êtes suspect. Et en fait, qu'est-ce qui est suspect? Le fait d'être là, tu vas trop vite, on ne comprend pas. Lors des attentats, quand tu parles de... Là, tu vas trop vite, on ne comprend pas. Je vais détailler. Le jour des attentats, donc le 22 mars, moi, je suis sorti à Malbec, pour aller prendre des plans en vidéo. J'ai fait mon travail de journaliste, je suis allé sur place pour savoir ce qui se passe. On est d'accord que là, ça n'a rien à voir encore avec l'homme au chapeau, quoi. Ah non. On en est loin, hein, on n'est pas encore là. Ah bien sûr, mais c'est le nœud, et c'est là où toute l'histoire, mon histoire, va faire que c'est suspect pour eux, parce que j'habite à 5 minutes de Malbec. Qu'est-ce que vous faites là? Donc déjà, la police va se focaliser, en fait, c'est tout part de cet endroit, du fait que je suis à Malbec. Parce qu'on me présente une photo, on m'a pris en photo et on me dit qu'est-ce que vous faites là? J'habite pas très loin, j'ai appris qu'il y a eu une explosion, donc je viens en savoir un petit peu plus. Ça peut s'expliquer par de la curiosité, etc. Mais la police m'a dit oui, mais vous aviez un comportement suspect. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est le comportement suspect? Ben, vous, et c'est dans le PV judiciaire. Hein, oui, mais vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas si ému que ça. Et je réponds. Mais arrête, c'est énorme ça. Ouais, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas si ému que ça. Alors qu'en fait, j'ai répondu clairement en disant, mais de toute façon, quand il y a quoi que ce soit qui se passe, il faut garder la tête sur les épaules. Et l'émotivité, ça ne vous permet même pas de réfléchir, en fait. Donc, moi, j'étais dans l'incompréhension, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, si maintenant je dois expliquer pourquoi j'étais dans l'incompréhension, bah, ça devient dingue, parce que c'est ce qui se passe, on ne sait pas. Moi, je ne sais même pas si c'était une bonbonne de gaz qui avait explosé à ce moment-là. Et donc, quand j'étais, on m'a arrêté, etc., plus tard, la police m'a clairement dit, un policier m'a vu faire 2 unités de prière. J'ai fait 2 unités de prière dans le cachot, j'ai demandé l'aide de Dieu dans des circonstances pareilles. Et bien, il y a un policier qui m'a fait la remarque en disant, bah, tiens, il prie, ça peut être que lui. Donc, comme si les terroristes priaient. Mais qu'est-ce qu'on sait si les terroristes prient? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, en fait, pour un policier, je ne dis pas tous, hein, mais pour un policier, eh bien, il a fait une déduction simple. Le mec prie, le mec est un terroriste. Donc, l'amalgame, en fait. Là, on est tombé complètement dans l'amalgame. Et la police ne s'est pas focalisée sur les empreintes, sur mon téléphone, sur les travaux d'investigation de toute police, en fait. Non, ils se sont focalisés sur un témoin qui dit que c'est lui et vous. Pourquoi vous êtes... C'est qui ce témoin? C'est quoi ce témoin? C'est le taximan qui a transporté les terroristes. Les vrais terroristes, comme... Ouais, exactement. C'est le taximan qui a transporté les vrais terroristes à Zaventem. Qui pensait avoir reconnu. Oui, qui s'est trompé, en fait. On lui a montré une photo de moi et il a dit je le reconnais à 200% comme étant l'homme au chapeau. Et mais pas de problème, hein, mais c'est un blanc? Non, non, c'est une. Bon, je. Par respect du secret de l'instruction et surtout pour sa sécurité à lui, je ne divulgue ni son nom, ni son prénom, ni un élément de son qui permettrait de savoir qui il est. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai rencontré depuis et il m'a dit qu'on lui a. On lui a fait 4 PV. Il a eu 4 auditions. Donc, je veux dire, 4 auditions, c'est pas normal. Hein, parce que c'est 4 auditions différentes. Et il m'a dit qu'il a été menacé de complicité, que la police lui a dit « Souvenez-vous bien, parce que vous pouvez être aussi soupçonné ou accusé de complicité avec les terroristes. » Parce qu'il était leur taxi. Ben parce qu'il les a accompagnés. Donc, la police, en gros, c'est vous trompez pas, en gros, vous trompez pas parce que vous êtes le seul témoin qui a vu les vrais terroristes, etc. Il y a un qui est toujours en liberté, donc on compte sur vous. Il a été mis sous pression, c'est ce que je veux essayer de dire en fait. Il a vraiment tellement été mis sous pression que, qu'il était capable de, qu'on lui montrait la photo de Brad Pitt, il aurait dit c'est lui, quoi, en gros. Hein. Donc, mais quoi, ce taximan, parce que c'est ça qu'on comprend pas bien. Ce taximan, il était forcé d'emmener les deux terroristes ou bien c'était des... Le taximan était copain avec les terroristes, c'est ça qu'on précise pas là-dedans. Donc le taximan était un taximan, un taximan qui travaille et qui prend deux clients, quoi, c'est tout. L'enquête, elle est claire là-dessus. Il a reçu un appel, enfin la centrale a reçu un appel et on a demandé, les terroristes ont demandé d'avoir un taxi et il y a un taxi qui s'est rendu sur place, visiblement, voilà, c'est ce que l'enquête dit. Ce taximan, le problème c'est qu'on lui montre une photo après les attentats. Les motifs, on est dans l'émotion. Donc moi je suis chez moi à ce moment-là. Je sais pas ce qui se passe. Je suis pas concerné. Et il y a un mandat d'arrêt international qui tombe sur moi et on m'arrête après ça. Et je vis le cauchemar. Et en fait, là, c'est là où on peut rentrer dans le sujet de l'onde de médiatisation qu'il y a eu après. C'est que pendant que les enquêteurs allaient sur une mauvaise piste. Les médias se sont focalisés uniquement sur cette piste-là, alors que c'était une grosse erreur, parce que pendant qu'on m'arrêtait, pendant qu'on se focalisait sur moi, le vrai terroriste était libre. Et c'est ce que je n'arrêtais pas de dire au commissariat. Quand je le disais au commissariat, aux policiers, ils le prenaient comme une menace. Clairement, donc imaginez la situation dans laquelle j'étais, moi. Tout ce que je disais... Était pris pour un mensonge alors que je disais que la vérité. Et donc bon, ça, ils n'étaient pas censés le savoir, on va dire. C'est peut-être pas ça. Non, mais ils étaient censés m'écouter. Quand je dis que j'ai mon téléphone qui se matche chez moi à la maison, parce que là où il y a pendant les attentats, j'ai mon cousin qui m'appelle et qui me prévient. Et ce téléphone, il est chez moi à la maison. Pas un moment, la police va contacter l'opérateur pour vérifier si c'est vrai ou pas. Il paraît que c'est connu, les flics, ils sont cons. Hein. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ils t'accusent. On va prouver que c'est pas toi, le terroriste, d'accord ? Bon, ça met un petit peu de temps. Mais moi, j'aurais aimé souligner toutes les failles, parce que bon, qu'ils regardent pas tout de suite, je veux dire, ils sont cons, quoi. Voilà, ils réfléchissent pas plus loin. Mais ça a quand même la preuve. Ils ont quand même prouvé que tu n'étais pas le terroriste, d'accord ? Ils t'ont relâché. Moi, c'était si tu l'as vécu, évidemment, peut-être tu sais pas dire ça, mais c'est comment la machine médiatique s'emballe, c'est comment après, les journaux s'emparent de l'affaire, censurent certaines choses que tu as peut-être dites. Enfin voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, à partir du moment où j'ai été inculpé, la machine s'est enclenchée. Donc, une fois que je passe devant le bureau du juge, le juge comprend que c'est pas moi. Donc il me dit, je vais vous donner, donnez-moi quelques temps. Et comment il comprend que c'est pas toi, lui, le juge ? Mais parce qu'il comprend que, via mon avocat, que l'enquête a été bâclée, que les policiers sont allés sur une mauvaise piste, parce qu'ils ont oublié, mon avocat a fait la remarque en lui disant au juge d'instruction, monsieur le juge, où se trouve le chariot où le terroriste met ses mains dessus. Donc on voit bien, donc il y a les empreintes sur le chariot, etc. Il est où ce chariot ? Et là, le juge d'instruction me dit, la police ne m'a pas parlé de ça. Donc là, c'est une grossière erreur, parce que c'est l'élément qui va vous permettre de trouver le vrai coupable et de libérer mon client. Et vous l'oubliez complètement. C'est quoi ce bordel ? Mais c'est bien, le juge a vraiment fait son travail, là. Mais d'ailleurs, il se constate, ça c'est la première irrégularité, mais il constate qu'on a... Le juge d'instruction me pose une question, il me dit pourquoi vous avez refusé le line-up ? Mais je sais pas ce que c'est le line-up, il me dit mais c'est la vie de Santin avec le témoin. Line-up, what ? Le line-up, la vie de Santin. C'est là où on met le témoin et je lui dis mais non, la police ne m'a jamais parlé de ça. Et là, mon avocat est furieux en lui disant mais c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pris la peine d'appeler le témoin pour me confronter. C'est comme si on avait pris pour argent comptant ce qu'il disait, alors qu'il ne s'est même pas déplacé. La moindre des choses, c'est de faire déplacer le témoin. Énorme. C'est pour dire. Et là, quand le juge d'instruction, il se constate juste ces deux choses, pour lui, bon, il y a un problème là, c'est beaucoup plus que sérieux. Et puis, il voit ma carrure et je lui dis clairement, regardez-moi et regardez la photo. Parce que c'est des choses fondamentales. Quand je disais ça à la police, hein, je disais, mais regardez-moi. Et c'est clair, quoi, ça parle tout seul. Et là, il m'a dit, mais non, vous êtes sûrement rembourré avec un coussin ou ce genre de choses. Donc, ils ont réponse à tout. Et là, le juge d'instruction, quand il voit mon corps et qu'il voit la photo, parce que dans la photo, il faut savoir que El Bakraoui, qui est à côté, il y a une photo de lui, où il est photographié dans une prison. El Bakraoui, un des terroristes. Là, on voit qu'il fait... il a une photo de lui en prison. On voit la petite ligne avec la petite latte. Et on voit, il fait 1m90. Donc, la personne qui se trouve juste à côté, ça, c'est la déduction de mon avocat. Si El Bakraoui fait 1m90 et qu'on voit bien que l'homme au chapeau est juste en dessous, donc il doit faire 1m85, 1m80. Or, M. Chefou fait 1m66, 1m70 au grand max. Et là, le juge d'instruction me demande de me lever. Et on m'a donné une salopette à rayures orange, hein, vraiment, j'avais très peur parce que je croyais que c'était un transfert pour Guantanamo. Et quand j'ai retiré cette salopette, parce qu'on m'a donné une large, alors que je porte du small, je pèse 58 kilos. Je veux dire, et là, on essaie de me donner le gabarit d'une personne qui fait 80 kilos. Alors quand j'ai retiré cette salopette, je lui ai dit, regardez-moi, sérieusement. Et là, il a penché sa chaise. Qui il ? Le juge d'instruction. Patrick de Coster, et là, clairement, il s'est réveillé en disant, mais non, là, on essaye de me vendre quelque chose qui n'est pas, c'est pas lui, c'est pas... Et puis, il me pose des questions, notamment sur le fait que, comment ça se fait que vous avez des traces d'explosifs sur vos mains. Alors, je dis, mais c'est complètement dingue, ça. Et en fait, je suis quelqu'un qui manipule, à la maison, j'ai quelques plantes, donc je manipule des plantes, et j'utilise de l'engrais. Et le juge d'instruction m'informe, enfin la police m'avait informé que les terroristes ont utilisé de l'engrais à base de pour leurs bombes, hein, etc. Et donc quand on me dit les traces d'explosifs sont positives, je leur dis, ils sont complètement dingues, mais en fait c'est des traces d'engrais, c'est ça. Donc de l'engrais peut, en fait, ce que je veux essayer de dire, c'est que même du Javel à la maison, de l'eau de Javel peut vous rendre suspect. Avoir du bicarbonate de soude à la maison, c'est qu'est-ce que vous faites avec du bicarbonate de soude? Alors qu'il y a des gens qui font du shampoing avec, etc. Mais un arabe qui a ça à la maison, c'est pas normal. Donc, il est là le truc. Et en fait, c'est des successions de le tapis de prière, le Coran, c'est normal chez vous à la maison? Des questions complètement connes, comme ça. Alors que le juge d'instruction, c'est pas une seconde, s'est focalisé sur ça. Il s'en foutait. Lui, il voulait savoir. Une fois que je lui dis, ben voilà, je manipule de l'engrais à la maison, j'en ai quelques-uns, ils sont dans un plastique, allez le prendre. Le temps qu'il vérifie ça, qu'on voit que ça va au laboratoire, etc., ça prend du temps. Et on m'informe aussi qu'il va devoir me mettre en prison parce que les flics n'ont pas fait leur boulot d'enquête. Parce que s'ils avaient correctement fait leur boulot d'enquête, j'aurais déjà été libéré. J'aurais même pas été inculpé, en fait. Donc je suis inculpé parce qu'il n'y a pas eu ce devoir d'enquête et que le juge d'instruction, le temps qu'il fasse ce devoir d'enquête, eh bien, il doit me garder en détention. C'est obligé, ça, qu'il est obligé de te garder, quoi? Ouais. Ben, je me souviens, il a dit, je vous garde sous la main. Okay. Je vous garde sous la main. Parce que si c'est vous, je ne vais pas faire la connerie de vous libérer, quoi. Donc en attendant, je vous garde sous la main. Mais dès que j'ai la moindre preuve, là, je vous libère directement. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai été libéré sans condition. Alors là c'est important, parce que quand il y a eu cette accusation, cette mise en inculpation, automatiquement, c'est communiqué à la presse. Donc la presse reçoit cette communication. Redis ce que tu viens de dire. Une fois qu'il y a cette inculpation qui tombe, le parquet communique à la presse, aux journalistes, en disant, voilà, une personne a été arrêtée dans l'affaire du dossier des attentats de Bruxelles. Et comme j'étais la première arrestation, eh bien, tous les médias se sont réveillés dans le sens, ah, on a enfin une personne. Donc la police a arrêté un suspect, soit 2 jours, 3 jours après les attentats. Mais quelle police extraordinaire! Oui, c'est ça, et surtout, et qu'est-ce qui s'était... Excuse-moi, hein, si je te coupe, c'est pour qu'on comprenne aussi, et même que quelqu'un qui n'a pas vécu... C'était quoi exactement cet attentat? Les chefs d'occupation. Puisque, non, mais il s'est passé des trucs énormes en Belgique et c'était... les attentats de Bruxelles. Voilà, donc je veux dire, t'as été arrêté, fils à toi, ça a été vite fait, genre, vous inquiétez pas, c'était ça aussi un peu l'idée, genre, on a arrêté quelqu'un, la Belgique sait s'y prendre, tu vois, mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu l'explosion... dans le métro. Tu peux rappeler ? Alors, en gros, hein, sans rentrer dans les détails, il y a eu l'explosion dans le métro à plusieurs endroits. Il y a eu d'abord, si mes sons vous dire sont bons, la première explosion, c'est celle de Zaventem, vers 7h58, je pense. Et il y a une deuxième qui est dans le métro vers 9h et quelque chose. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, pour répondre à ta question. Oui, mais du coup, il y a eu ces événements-là, il y a eu... Et puis, j'essaye de me rappeler parce que moi, j'ai pas suivi. Tu vois, j'étais pas là. Au contraire, je prenais un peu de recul par rapport à tout ça pour comprendre aussi, mais... Il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont été tués aussi suite à ces attentats. Je ne parle pas des cibles, je parle des terroristes. Il y a des gens qui ont été en tôle. Abdel Slam. Oui, mais Abdel Slam n'est pas soupçonné par rapport aux attentats de Bruxelles. Hein. Lui, c'est les attentats de Paris. Je pense qu'il y a plus de 230 morts. Et pour les chiffres, ça, tout le monde peut aller vérifier, hein, mais ça, j'ai pas envie de dire d'erreur. Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 230 blessés, pardon, et plus de 35 morts. Voilà, ça c'est c'est ce que je me souviens. Maintenant, dans la journée, donc, il y a eu deux attentats, et la police s'est focalisée sur la photo du troisième terroriste qui n'a pas fait exploser son chariot et qui était recherché. Toi, à ce moment-là, c'était l'homme au chapeau. Donc tout le monde le voyait, tout le monde, les médias l'ont. Voilà, c'est ça. Les autres se sont fait exploser, mais il y en a un, l'homme au chapeau, pas. Il s'est enfoui. Et c'est toi qu'on attrape. Et donc oui, deux jours plus tard, on m'arrête moi et c'est la première arrestation en fait liée à ce dossier-là. Voilà. Donc et on dit le juge m'inculpe pour participation à un groupe terroriste, assassinat terroriste et tentative d'assassinat terroriste. Donc ces chefs d'inculpation sont graves et les médias quand ils voient ça, ils tirent une conclusion en disant tiens, on a attrapé l'homme au chapeau. Et s'il a été inculpé de ces trois chefs d'inculpation, ça peut être que le véritable terroriste. Tout en oubliant fondamentalement la présomption d'innocence. Oui, mais c'est ça qui est énorme. Je crois que ça les arrange bien. Et c'est là que j'avais envie de focaliser aussi. Je crois que ça les arrange bien d'oublier l'innocence. Clairement. En fait, il y a même des avocats. Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Ouais. Il y a même des avocats qui m'ont diffamé. Il y a même un avocat connu en France, Collard, je pense, Gilbert Collard, ouais, du Front National, c'est pas une lumière hein, déjà, mais il a dit sur moi que quand j'entends que ce mec a eu le culot de se présenter comme journaliste sur toi quoi, sur moi alors que je suis totalement innocent. Et donc, ça c'est super important à dire, que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que t'es supposé, il y a une enquête qui doit être faite, il n'y a encore absolument pas la certitude que c'est toi le méchant, mais on s'en fout. Et c'est là que ça s'emballe. Quoi. Alors la machine s'emballe. Ma photo, d'abord la communication du parquet, c'est y a mon prénom et la première lettre de mon nom de famille. Donc mon nom de famille n'est pas annoncé par le parquet. Mais il apparaît quand même. C'est-à-dire que les médias écrivent Faisal chez fou. Mon nom de famille qui apparaît alors que le parquet ne l'a pas donné. Là, il y a violation du secret de l'instruction, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des policiers, mais c'est clair, qui peut donner cette information à part les policiers. Vous savez que dans mon affaire, la perquisition a été filmée par des journalistes. Ça veut dire que pendant que les policiers étaient en train de faire la perquisition, des journalistes étaient au courant qu'il y avait une perquisition qui se déroulait. Et où perquisition où ? Chez moi. Oui, mais là, on n'avait pas parlé de perquisition. Tu vois une perquisition. Ah, si ça avait été annoncé, hein, perquisition. Mais là maintenant dans le micro. Ah non, bien sûr. Il y a une perquisition chez toi. Ah, oui, il y a une perquisition. Qui a été filmée. Il y a une perquisition qui a été filmée chez moi. On voit bien des journalistes. J'ai des archives. Hein. Ils ont filmé. C'est-à-dire que pendant la perquisition, ils étaient au courant qu'il y avait. Ils connaissaient mon adresse en tout cas. Ils connaissaient mon nom de famille. Et ils connaissaient également le nom de famille de ma mère et l'adresse de ma mère. Donc pour obtenir ces informations qui sont confidentielles, il ne peut qu'y avoir secret de la, violation du secret de l'instruction. Et dans ce genre d'affaires, eh bien, même des policiers vendent des informations ou donnent des informations aux médias. Là, on est ah, ça dépasse l'entendement, hein, quand on a des policiers qui commencent à donner des informations. En fait, les policiers, au lieu de faire des rapports au juge d'instruction, ils font des, ou au procureur, ils font des rapports aux journalistes. Et ben, les journalistes vont, certains journalistes vont, enfin à ce moment-là, hein, c'est le sensationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves, etc. Mais tu as des journaux comme Le Soir, RTL, y a peut-être un ou deux journaux qui a été, enfin journal média qui a été prudent, mais sinon tout le reste n'ont pas utilisé le conditionnel. C'est Faisal Chifou est le troisième terroriste, alors que Douzaventem, alors que normalement c'est Faisal Chifou serait. Ah, il faut, c'est important. Et ce qui est malhonnête dans mon histoire, c'est qu'après ma libération, eh bien là les titres ont changé. Les rédactions ont pris ces articles et ont modifié, ont changé les titres en vue que je ne dépose pas plainte parce que maintenant je peux me défendre. Et justement, elle est là parce que quand je rentre en prison, ben, c'est là que l'accusation est tombée et en une journée, on me ramène le sous-directeur de prison me ramène une télévision et il me dit vous êtes sur toutes les chaînes, regardez-vous. Donc j'allume, je regarde et quand je dis sur toutes les chaînes, c'est toutes les chaînes. Espagnol, c'est international. Donc à ce moment-là, merde alors. On se rend à ce moment-là, il faut un certain, même le cerveau n'accepte pas. Il se dit qu'est-ce qui se passe quoi. Donc là, on était en train de me diaboliser. On était en train de créer un personnage qui n'est pas moi, avec des personnes qui disaient que j'étais un extrémiste et qui soi-disant me connaissent alors que je ne connais même pas. T'imagines, t'as des gens qui parlent en ton nom en disant qu'ils te connaissent. Et que c'était un extrémiste, etc. Alors que ces personnes, je ne les connais même pas. Mais c'est qui alors? C'est quoi ça? Je ne sais pas si c'est des journalistes. Montage? Ah ben ça, j'en sais rien. Je ne sais pas le journaliste, qu'est-ce qu'il fait derrière. T'as pas essayé de gratter après cette histoire, une fois que t'as pu sortir, comprendre c'était qui ces gens qui t'accusent? Ben oui. Et d'ailleurs, j'ai un dossier et mes plaintes sont prêtes. Je veux dire, j'ai beaucoup de plaintes à déposer. Donc j'ai tout un dossier qui... Mais pour pouvoir me défendre, ben, il faut que je rassemble tout ça. Donc oui, j'ai rassemblé le maximum de preuves pour pouvoir attaquer et je vais attaquer toutes les personnes qui m'ont diffamé. Mais c'est pour te dire, il y a un emballement à ce moment-là. Même le ministre, le secrétaire d'État, Théo Franken, va jouer sur un chérir là-dessus en disant c'est un sale djihadiste extrémiste répugnant. Donc il dit ça sur moi. Tu as également le bourgmestre Yvan Mayer qui dit que je suis un recruteur. Pas je serais. Il recrutait, pas il tentait. Il recrutait carrément. Donc je recrutais. Il n'y a pas de preuve. Pourtant, tous les médias disaient que je recrutais. Il n'y a pas de preuve, mais tous les médias disaient que j'étais l'homme au chapeau. Et en fait, ça a duré pendant deux jours, trois jours, où les médias, dans l'international, n'ont pas utilisé le conditionnel et ont clairement dit voilà, la police belge a avancé dans l'enquête. En fait, c'était ça. C'était. Mais justement, même moi, au commissariat, j'avais des policiers qui m'ont clairement dit ça. Hein. Ils m'ont dit on sait que c'est pas le bon, mais on fait comme si on avait le bon. Ça, cette phrase, je ne l'oublierai jamais de ma vie, tu vois. C'est parce que, en fait, je comprends, les flics étaient soumis à un stress pas possible. Mais ça, vraiment, les flics t'ont dit ça? Oui. T'es oui. Sûr, hein? Non, mais attends, j'étais au commissariat. Moi, je. Tu peux pas mentir, hein? Franchement, est-ce que tu crois que je vais perdre mon temps à... En fait, dans mon affaire, c'est ce qu'on... On n'arrête pas de me traiter de menteur depuis le début. Et je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Qui te dit ça? Moi, par exemple. À partir du moment où je dis des choses qui paraissent tellement grosses, invraisemblables, et qui sont vraies, ne peut être qu'un mensonge parce que c'est moi qui le dis. Alors qu'en réalité... Parce que c'est toi, mais c'est énorme. Mais oui, c'est énorme, mais il y a des médias, et là, je dis une vérité. Je ne fais que dire des vérités, mais on les vérifie. Les médias n'ont pas arrêté de mentir. Personne ne va les accuser de mensonge, alors qu'ils n'ont fait que ça. Moi, je dénonce des vérités, des choses qui se sont passées au commissariat, et on doute encore de ce qui m'est arrivé, de est-ce que c'est vrai ou pas. Il suffit de regarder les caméras de surveillance. Je veux dire, dans un commissariat, c'est surveillé. Il n'y a pas qu'un seul policier, il y a plusieurs policiers. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais il y a aussi des très mauvais. Et des anecdotes avec des comportements de policiers totalement déplacés, j'en ai eu plusieurs. J'ai même un policier qui m'a menacé, qui m'a pris par le cou et qui m'a demandé qu'est-ce qu'il y a derrière ma porte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a agressé parce qu'il croyait qu'il y avait une bombe derrière ma porte. Chez toi, à la maison, alors? Oui. Que quand ils allaient rentrer, il m'a dit si ça explose, on t'explose. Enfin, je me souviens. il y a certains flics qui étaient dans une parano, mais complètement dingue. Et cette phrase de « oui, on fait comme si on avait le bon », ben, il y avait les flics, moi je l'avais compris, il y avait une tension pas possible. Et en fait, c'était une pression qu'ils recevaient de leur hiérarchie, à mon avis, et qui, eux, ben, ça les arrangeait très bien de soupçonner quelqu'un en attendant, pour calmer la population, apaiser la population et continuer à leur enquête, en fait, mais dans le calme. Et si on doit sacrifier une personne pour ça, bon, c'est pas grave. Et je l'ai vu un peu comme ça, clairement, hein, on me l'a dit. Donc, on m'a battu aussi, hein. Ça c'est RTL, sur RTL, je suis passé un jour dans une émission. Je me suis fait. J'ai été battu, j'ai des certificats médicaux, j'ai la caméra, parce qu'il y avait une caméra de surveillance dans le cachot qui a filmé aussi, que je me suis fait battre. Pourquoi tu t'es fait battre? Il faut leur poser la question à eux, pourquoi ils m'ont battu. Ils rentrent comme ça dans ta cellule et ils tapent dessus. Oui, on m'a battu parce que j'ai demandé parce que je toquais, et je refusais qu'on me regarde. Parce que tu sais, quand j'étais dans la cellule, il y a tous les policiers qui venaient me voir. Hein. Il y a le petit clapet là, tout le monde venait voir comme si j'étais une bête de foire. Je ne suis pas une bête de foire, donc à certains moments, j'ai bouché le clapet là et la caméra, et ça les a énervés. On m'a menacé, on m'a dit tu le retires ça, sinon on te bat, et on m'a battu. Et on m'a battu, on m'a arraché tous mes vêtements, et on m'a laissé comme ça. Je n'ai pas reçu de soins médicaux, rien. Et quand j'ai dénoncé ça à la télévision, j'ai été attaqué par des chroniqueurs, une chroniqueuse particulièrement, qui me traitait clairement de menteur, alors que je l'ai vécu. Les policiers qui m'ont frappé le savent. Hein. Et d'ailleurs, quand on m'a rendu mes affaires, j'ai un des policiers qui m'a frappé, un des tortionnaires, qui me l'a avoué, qui me l'a dit encore. Il m'a dit, je me souvenais de lui. Il m'a dit effectivement, j'étais venu vous calmer au cachot. Donc pour eux, c'est juste calmer une personne, quoi. Donc ça, j'ai revu cette personne-là qui m'a battu et qui n'a pas été sanctionnée. Donc Pourquoi ? Parce que tu as dit ça. Tu as dit, voilà, je veux dire, une fois que tu as été innocent, on a les preuves, ça y est, c'est pas toi, on s'est gouré, quoi. Une fois sorti, est-ce que tu n'as pas réglé tes comptes ? Parce que moi, je serais fâchée, je serais en colère, quoi. De me prendre comme ça en pleine figure cette injustice, cette violence gratuite, comment on pourrait dire cet acharnement. C'est un acharnement. En fait, quand tu es libre, enfin, quand j'ai été libéré, j'étais sur un nuage, dans le sens où j'avais vécu 4 jours de misère. Mais vous vous rendez pas compte, hein. On se rend pas compte. Et j'étais déstabilisé. La seule chose que j'avais besoin, c'était de rassurer ma famille, de voir ma famille. Et donc, j'étais soumis à une pression médiatique qui, les médias à ce moment-là, ne respectaient même pas le fait que j'aille voir ma... Ils voulaient une réponse. À la sortie de prison, il y avait des médias partout. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était voir mes parents. Ils n'ont pas respecté même ça. Ils étaient dans le sensationnel. J'ai des journalistes qui m'ont proposé de l'argent. Alors que tout ce que je voulais, moi, c'était voir ma famille. Qui t'a proposé de l'argent ? Un journaliste américain, notamment. En plus, j'étais dégoûté par les médias parce qu'ils m'ont sali pendant des jours. Et là, ils arrivent comme si de rien n'était. Et le lendemain, j'ai commencé, en fait, à ma sortie de prison, à prendre les copies de journaux qui m'avaient diffamé. Et là, je constate que des journalistes, des médias, clairement, modifient leur titre. Au lieu de laisser leur titre où le conditionnel n'était pas utilisé, où il n'était pas mentionné, c'était Faisal Chefou et le troisième terroriste, par exemple, le titre de RTL TVI, RTL, le journal de RTL, 19h, ils m'avaient accusé et ils avaient titré Faisal Chefou et le troisième terroriste de Zaventem. Je sors de prison, ils suppriment cette vidéo n'existe plus, elle est supprimée, et ils modifient leur titre donc de leur article en rajoutant Faisal Chefou serait le troisième terroriste. C'est super malhonnête. C'est intellectuellement malhonnête. Et ils savent qu'ils le suppriment parce qu'ils savent que je peux déposer plainte maintenant. Une personne qui est en prison ne peut pas se défendre. Mais une personne qui est sortie de prison, etc. Et donc, à ce moment-là, toutes les rédactions changent leur titre, sauf quelques-unes, comme ITélé, par exemple. Hein, si tu as envie de vérifier, tu peux taper sur ITélé, Faisal Chefou, et tu vas voir Faisal Chefou est le troisième terroriste. Et plein de journalistes. Encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui. Mais il y a plein de gros médias comme Le Soir ou comme des Européens, etc., qui sont carrément tombés dans le panneau. Des grands médias avec une expérience de la déontologie du respect, etc., de la vérité, de la déontologie journalistique, sont complètement tombés dans le panneau. Oui, mais moi, je crois pas qu'ils tombent dans le panneau. Je crois que c'est pour faire vendre. Je crois que c'est pour... Tu vois, parce que normalement, il y a des règles. Enfin, celui qui est journaliste, ou même par rapport à la loi, les juges et compagnie. Enfin, voilà, il faut le temps pour faire une enquête. On peut pas comme ça, d'un coup de baguette magique, prétendre à l'innocence ou l'accusation. Enfin, du coup, ouais, je me demande comment c'est possible, toute cette machine qui s'emballe. C'est que clairement, la société, le système, il permet que ça s'emballe pour vendre, pour faire du sensationnel, pour trouver un bouc émissaire, pour je sais pas, enfin... Mais dans la charte journalistique de Munich, il y a une condition là-dedans, hein. Il y a un point où les journalistes qui font des fausses news, donnent des fake news, etc., parce que clairement c'est des fake news avec moi, hein. ils ont fait plusieurs fake news, eh bien, la première des choses à faire, c'est de rectifier. Certains journalistes ont pris la peine de me contacter pour rectifier. Et je les salue. C'est tout à leur honneur. Et il y en a d'autres qui se disent professionnels, qui travaillent dans des grands médias, qui n'ont pas pris la peine. Et d'ailleurs, leur média, c'est même pas le journaliste qui doit le faire, c'est le média qui doit pousser les journalistes à aller rectifier cette erreur. Ils n'ont pas fait. La majorité des médias et des journalistes n'ont pas rectifié leur erreur, alors que c'est mentionné clairement dans la charte de Munich la moindre des choses. Et toi, t'as pas eu envie d'aller à leur rencontre et leur dire c'est obligatoire, vous devez rectifier votre bazar là. D'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'accorde des interviews. J'accepte des interviews. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution que judiciaire avec ces gens-là. Les médias qui font des fautes de cette gravité-là et qui ne reconnaissent même pas leurs fautes, parce qu'à partir du moment où ils ne présentent pas leurs excuses, où ils ne reconnaissent pas leurs fautes, c'est qu'ils vont continuer. Ils vont continuer. Donc, aujourd'hui, il y a des médias, et j'ai suffisamment de preuves pour entamer des poursuites judiciaires, et je vais le faire. Je ne suis pas... À l'heure actuelle, j'attends d'être, entre guillemets, désinculpé de cette affaire, parce que j'ai été innocenté, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été innocenté dans le sens où mes empreintes ne se trouvent pas à Zaventem, sur le chariot, etc., ne se trouve pas dans l'appartement des terroristes, ni dans le taxi. Mon téléphone se match bien chez moi à la maison, etc. Ce n'est pas moi, c'est clair, libéré sans condition. Malheureusement, comme on est dans un pays qui n'est pas normal, je reste inculpé. Ça reste procédural, mais je garde les mêmes chefs d'inculpation que le vrai terroriste. Jusqu'à la fin de l'enquête, je sais, les gens n'arrivent pas à comprendre ça, mais c'est la procédure en Belgique. Quand vous êtes inculpé par un juge d'instruction, il n'y a que la chambre du conseil qui peut vous désinculper, en fait. Donc je dois attendre la fin de l'enquête des attentats de Bruxelles pour pouvoir être convoqué. Espérons recevoir un non-lieu ou un acquittement. Ou ce genre de choses. Ça va prendre beaucoup de temps, j'imagine. Ça va prendre beaucoup de temps. En attendant, je suis là et je vis avec cette inculpation qui me laisse infréquentable. Qui me laisse pas vivre, en fait. Hein. J'imagine, si tu veux voyager d'un pays à un autre, tu as cette étiquette... Même pour reprendre une vie normale. Hein. Rien que le fait de... Parce que voyager, c'est une chose, mais rien que le fait de reprendre une vie normale, beaucoup de gens me disent, mais Faisal, mais comment ça se fait que tu restes inculpé? C'est moi qui dois m'expliquer. En plus, c'est un innocent, c'est une personne qui a été victime de tout ça, c'est moi qui dois m'expliquer en faisant le juriste. C'est pas à moi. En fait, quand j'ai été libéré, la justice, au lieu de faire une communication claire en disant « Nous nous sommes trompés avec M. Cheifou, nous regrettons, c'était une erreur », eh bien non, ils font pas cette communication. Ils font une communication où ils disent « Les preuves n'ont pas été confortées dans l'enquête de Faisal Cheifou. Il a donc été remis en liberté. » Attendez. En gros, ça veut dire, oui, c'est pas prouvé que c'est lui. Il a été innocent, il a été libéré. Mais la justice n'a pas fait d'erreur, en gros, tout va bien. Et c'est ça qui m'énerve. C'est cette communication ambiguë, qui est pas claire du tout, en fait, qui va faire que les médias vont jouer là-dessus. Et que, à l'heure actuelle, t'as certains journalistes qui jouent même Oui, mais il a été inculpé. Donc, hein, c'est qu'il n'est pas vraiment... On ne l'a pas accusé pour rien. Hein. Comment cette phrase, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça? J'arrête pas de l'entendre, il n'y a pas de fumée sans feu. Regardez la vidéo de Steno Kurzel, parce que les médias m'ont diabolisé. Et pendant qu'ils m'ont diabolisé, ils ont utilisé un de mes reportages. J'en ai fait plein dans ma carrière. Parce que t'es journaliste. Hein, mais ils se sont focalisés que sur ça. Moi, je suis dans les médias depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Hein. Et ils se sont focalisés sur un reportage où, ben, c'est un reportage où ça parle sur le fait qu'on n'a pas donné à manger à des sans-papiers, des migrants de confession musulmane, parce que c'était pendant le mois de Ramadan. Et on ne leur avait pas donné à manger pendant le mois de Ramadan, parce que justement, c'était par rapport à ça. Le centre fermé voulait qu'ils mangent la journée. S'ils ne mangent pas, on retire les plats. Donc en gros, on les forçait, c'est ça, on les forçait à... Ou bien tu manges, ou bien tu ne manges pas. Et donc, j'ai été alerté, je suis allé sur place et j'ai fait un reportage. Et les médias se sont focalisés sur ce reportage en écrivant des titres genre le journaliste... avec une barbe finement taillée, enfin, tu vois, c'est du sensationnel. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres reportages, mais qui ne sont pas intéressants. Quand je parle de la finance, ou des reportages où je parle d'une ferme, ou des reportages où je parle de l'économie en général, ça ne les intéresse pas. Là, c'était un reportage où on me voit parler en train de dénoncer des faits. Oui, pour faire le lien avec la musulmanie de nouveau. Oui. L'islam, quoi. Et on a carrément, certains journalistes ont titré « Le défenseur des musulmans ». Donc, tu vois, ils ont joué là-dessus, alors qu'en réalité, c'est la création d'un personnage. Et sur d'autres chaînes, hein, on a carrément fait des débats sur moi, en essayant de me donner un profil. Qui est Faisal Chefou? Et là, on va créer un personnage qui est pas moi, qui est totalement fausse. Et on va même pas se renseigner auprès des personnes qui me connaissent vraiment. On aurait pu essayer de contacter des journalistes, des vrais journalistes qui font un vrai boulot, auraient dû contacter des personnes de mon entourage au lieu de tomber sur des charlatans, parce qu'ils auraient eu un autre son de cloche. Et en fait, voilà, c'est ça qui est malhonnête, c'est que le fait que j'ai été libéré, les journalistes, les grands médias n'ont même pas voulu rectifier la connerie monumentale qu'ils ont faite en justifiant que... Il n'y a pas de fumée sans feu, Monsieur Chefou reste toujours inculpé, donc on ne sait pas, etc. Alors qu'en réalité, vous avez accusé une personne qui était totalement innocente, vous avez bafoué la présomption d'innocence, vous m'avez diffamé, le ministre, le secrétaire d'État m'a diffamé, le bourgmestre de Bruxelles, l'ancien bourgmestre m'a diffamé, des politiciens en France m'ont diffamé, je veux dire, y en a plein qui m'ont diffamé, il n'y en a pas qu'un seul. Et il n'y a pas qu'un seul média. Donc, pour une personne comme moi, qui sort de prison accusée de terrorisme et qui est sans défense, en quelque sorte, doit me parader. Enfin, Mais c'est pas en quelque sorte, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais j'ai pas la possibilité directe de. Je veux dire, j'ai même financière, hein, parce que pour se défendre, il va falloir constater ça par des huissiers, ça demande de l'argent. Prendre un avocat, etc. Et un avocat, ben, chaque plainte, c'est une affaire. Donc, c'est des affaires en plus, etc. C'est énormément coûteux. Après l'histoire de ce que j'ai vécu, cette histoire de l'homme au chapeau, ben, vous imaginez que ma vie, elle est détruite, même financièrement parlant. Pourquoi tu dis qu'elle est détruite? Elle est détruite parce que je ne peux pas retravailler, reprendre une vie comme tout le monde. Mon visage, tu tapes mon nom sur Internet, ben, tu vois, terroriste, etc. Je veux dire, rien que pour reprendre une vie normale, pour aller déposer un CV, pour aller bosser. Je dépose un CV, le premier truc qu'un patron va faire, c'est taper mon nom sur Google. Et quoi, sur quoi il va tomber, là? Mais comme c'est une erreur. C'est une erreur, mais je reste avec cette saleté écrite sur moi, en fait. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que on a écrit sur moi à l'encre indélébile. Et c'est là le média d'aujourd'hui qui est problématique. C'est que tu trouves encore de la diffamation écrite sur moi à l'heure actuelle. On m'a diffamé, mais la diffamation reste publiée. Les médias n'ont même pas supprimé parce qu'ils n'ont pas reconnu leur erreur. Donc ils n'ont pas supprimé. Pour eux, ça reste une vérité. C'est une diffamation. Mais tant que ça n'a pas été condamné, tant que ça n'a pas été. Qu'ils n'ont pas reconnu leur erreur, eh bien, des gens prennent ça pour argent comptant. Donc on tape mon nom et on voit cette personne. Avait recruté des... Alors que c'est faux. Mais une personne qui dit ça, bah, elle va croire que c'est vrai. quoi, c'était ça aussi que j'avais envie de poser comme question. Quoi, ta vie a basculé vraiment alors suite à ces attentats, quoi, alors que t'as rien à voir. Vraiment, ta vie a basculé. On peut dire ça. C'est pas simplement ma vie du fantasme. Non, ma vie a. Mais ça, il faut. En fait, on peut pas comprendre ce que je vis tant qu'on n'est pas à ma place, parce que depuis l'attentat, depuis mon arrestation, parce que moi c'est là où c'est mon cauchemar. Depuis que j'ai été arrêté et que j'ai été libéré, j'ai subi un préjudice grave. Mais depuis ma libération, je ne fais que subir d'autres préjudices. J'ai été arrêté à plus de 5 reprises après. Et on m'a accusé une fois d'être l'homme au chapeau, là, à tort, mais on m'a accusé une deuxième fois d'avoir participé, d'avoir à voir avec un truc terroriste encore. Hein. Et là, c'était une deuxième erreur. C'est-à-dire qu'on m'a confondu encore une fois avec, par erreur. Enfin, encore. Avec l'histoire de l'ancienne Belgique, l'alerte à la bombe. Donc là, on se dit, il y a un truc. Moi, je me dis clairement. On veut te détruire. Oui, clairement, on veut clairement me détruire. Et moi, dans mon histoire, le jour où je suis arrêté avec l'histoire de l'homme au chapeau, heureusement, ça se fait en public. Il n'y a pas de sommation, mais c'est nous qui levons nos mains. Je comprends ce jour-là que j'aurais pu être tué ce jour-là, en fait. En fait, l'histoire pouvait s'achever là, en fait. L'homme au chapeau a été abattu devant le palais de justice de Bruxelles, fin de l'histoire. Alors que le véritable terroriste est toujours en liberté. Ça, on aurait pu le vivre aussi. Moi, j'aurais pu être abattu ce jour-là. Et en fait, depuis, donc ma vie a été mise en danger. Hein. Je ne me sens pas en sécurité. Et depuis, je ne me sens plus en sécurité en fait ici, parce que qui me protège de la police alors que c'est la police quand la police débarque chez toi. C'est surtout pour ce genre d'affaires, c'est effrayant, c'est des escadrons, c'est hyper traumatisant. Et bien depuis, j'ai été arrêté à plus de 5 reprises, donc imagine le traumatisme, déjà le premier choc post-traumatique, et là depuis j'en subis des continus, et je sais pas comment j'arrive à tenir, si ce n'est que je raconte en fait. C'est pour ça que je tiens, c'est parce que je dégage un maximum, je raconte. On m'a pas proposé de soutien psychologique, rien. C'est moi qui dois me débrouiller en fait pour trouver un psychologue qui peut m'aider ou ce genre de choses, etc. Quoi, t'en as un du coup, un psychologue? Ben, je me débrouille pour dégager en tout cas un maximum, parce que je peux pas garder ça en moi. Mais on m'a détruit parce que on a essayé de coller une image d'un gars qui n'est pas moi en fait. Et depuis, on insiste sur cette image là. Et on m'arrête à longueur de journée jusqu'au... En fait, à l'heure actuelle, je peux être à n'importe quel moment encore accusé, je le vois comme ça, soupçonné ou accusé, encore à tort. On me l'a fait une fois, on me l'a fait deux fois, on pourra me le faire une troisième fois. Et cette fois-ci, ben, je peux... Tu dis qu'on t'a arrêté 5 fois déjà. Oui, on m'a arrêté 5 fois. Tu dis qu'on en a fait une fois, on en a fait deux fois, on en a fait trois fois. Ben, on t'a déjà arrêté 5 fois. Deux fois par rapport à des... j'ai été... Donc deux fois, c'était par rapport... Une fois avec l'homme au chapeau. La deuxième, c'était l'alerte à la bombe. Mais quand je dis la deuxième, c'est... En fait, il y a eu d'autres arrestations. Une fois pour trouble à l'ordre public. Une fois, j'ai été arrêté pour menace avec emblème. Mais c'est une connerie. C'est juste une personne qui m'a vu dans la rue, qui a eu peur de moi et qui a déposé plainte. Mais c'est... Non, mais des histoires comme ça, où je roule à vélo et des policiers me reconnaissent et ils m'arrêtent et on me donne une amende parce que je roule avec... Je suis à vélo, hein, et on excès de vitesse. Simplement parce que le mec, il me dit, ouais, on te reconnaît, quoi. Donc il veut me sanctionner. J'ai une autre fois où je suis arrêté pour... comment on appelle ça, agissement suspect. J'ai rien à voir. Mais voilà, c'est des questions, quand je vais au commissariat, ben c'est des questions sur ma vie privée, on veut connaître toute, j'ai plus de vie privée d'ailleurs, hein. Je dois raconter toute ma vie privée. Hein. On me pose des questions, on veut mon compte Facebook, on veut les codes d'accès, on veut mon répertoire, on veut tout, et j'ai pas intérêt à refuser. Et en plus, on me pose des questions, mais vous imaginez même pas, du style, qu'est-ce que vous pensez des attentats de Orlando, et qu'est-ce qui s'est passé en Turquie, Mais quand vous me posez des questions comme ça, ou des questions, est-ce que vous êtes gaucher, vous êtes droitier, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous avez des copines, est-ce qui fréquentez-vous, quel journal regardez-vous, voilà, c'est, j'ai plus de vie privée. On a perquisitionné à plusieurs reprises chez moi à la maison. On prend mes portables, on prend toutes mes affaires, on fouille. On m'emmerde en fait pour essayer de trouver un clou dans ma botte. Et jusqu'à présent, deux ans après les attentats, eh bien, la police n'a rien trouvé. Donc il va falloir me lâcher les bottes et reconnaître en fait leur erreur. Et je pense que si la police m'arrête systématiquement comme ça, c'est de l'harcèlement pour pouvoir trouver en quelque sorte un clou dans ma botte et pour pouvoir justifier leur erreur en fait, leur grossière erreur. Et un jour, il y aura cette enquête des attentats qui va prendre fin. Les vrais protagonistes vont être condamnés. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je serai officiellement blanchi. Donc ça va se faire. Et à mon avis, ça gêne certains policiers qui ont fait cette erreur. Ben parce que ça montre clairement qu'ils se sont trompés, en fait, dès le départ. Et qu'il serait temps de le reconnaître pour avancer. Voilà, en fait... dans mon affaire, la police certains policiers n'ont pas reconnu qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont même pas présenté les excuses, et ça, je ne l'accepte pas. Certains médias n'ont pas présenté les excuses, et ils ne reconnaissent pas leur erreur. Et le juge d'instruction, lui, a reconnu son erreur. Et quand il a reconnu son erreur, on lui a retiré le dossier pour le donner à un autre juge qui n'est pas du tout commode. Il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont totalement scandaleuses. Et en fait... je suis presque pas écouté en fait hein, dans ce que je dénonce. Ce qui se passe, c'est en fait on peut détruire un homme à partir du moment où c'est pas une institution parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre comparé aux médias, aux mastodontes qui va vous tomber dessus en fait. C'est tellement énorme qu'en fait ils peuvent vous diffamer, ils peuvent vous discriminer, on peut vous tout ceci se fait en totale contradiction avec les lois, et pour vous défendre, ben c'est à vous, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est à vous, quand vous êtes accusé, c'est à vous de présenter le contraire, alors que normalement, c'est celui qui accuse qui doit présenter les preuves. Eh bien, dans mon affaire, depuis le départ, c'est à moi de présenter le fait que je ne suis pas un extrémiste, le fait que je ne suis pas un terroriste, etc. C'est à moi de prouver... Moi, j'en avais posé cette question au commissariat. Prouvez-vous, êtes-vous un terroriste? J'ai répondu non. Et on m'a dit, mais prouvez-le. Mais comment je peux prouver ça, moi? Mais comment? Non, mais c'est vrai, est-ce que je dois manger du jambon? Ils se foutent de... Enfin bon, on arrive à la fin. Fais sale. Et... comment tu vois le futur? T'as un peu dit, à un moment donné, cette histoire va être finie, ça va être blanchi, quoi. C'est ça que tu penses? Ben oui, je suis totalement innocent. Ah, mais de toute façon, oui, tu es innocent, mais il paraît que t'as toujours l'étiquette... comment c'est le terme? Oui, je suis toujours inculpé, je reste inculpé, mais un jour, ça s'enlèvera. Tu crois, ça? Mais c'est obligé, parce que je suis innocent. Donc, il va bien falloir un jour reconnaître son erreur. On peut pas accuser éternellement un innocent. La vérité finit par faire surface. Donc, il faudra bien reconnaître un jour son erreur. Voilà. Je compte pas rester ici. Je compte pas rester en Belgique. Je me sens plus du tout en sécurité. Je me sens pas en sécurité dans le sens où je ne suis même pas protégé par la police. Je me sens en danger. Donc à partir du moment où les institutions, les autorités, la police, vous commencez à avoir peur d'elle, qu'elle vous fasse du mal, alors qu'elle est censée vous protéger, eh bien, dans une démocratie, il faut se poser des questions vraiment... Voilà, moi, j'ai peur pour ma sécurité. Donc j'ai vu l'envers du décor, j'ai compris. Et je pense pas que c'est dans un pays comme ça, avec ce que j'ai subi, j'ai pas envie d'éduquer mes enfants dans un pays comme qui soupçonne, qui a détruit une personne. Enfin voilà, j'ai pas envie c'est pas, pour moi, la Belgique n'est plus j'ai pas le mot, hein, mais n'est plus le modèle, si tu veux, tu vois, d'intégration, de ceci. C'est plus le modèle, c'est le modèle du rejet maintenant. Et j'ai pas envie d'éduquer mes enfants dans un système pareil, voilà, tout simplement. Les mots de la fin, c'est ça ?